Confinement, épisode 3. Le quartier était tranquille. Notre bourgeois, Monsieur X, confinait, se demandait, ruminait et s'abrutissait de pilules roses pour éviter de revenir sur la question. La question qui l'obsédait depuis son retour du grand hôpital. Il ne voulait pas la regarder en face, la question. Parce qu'une question demande une réponse, et toutes les réponses qu'il pouvait envisager l'effrayaient. Monsieur X n'était pas courageux, et son petit confort mondain exigeait une grande attention à ne pas mettre son pied dans la chaussure de quelqu'un d'autre. Il n'avait pas appelé Paul, son boucher et épicier. Une étourderie dans le tri, une erreur se serait glissée dans un colis. Il avait prétexté un dérangement gastrique pour refuser la dernière livraison du sachet de la viande à prix d'or. Chez les bourgeois, on ne fait pas scandale. Mais du coup, on rumine comme une vache. Monsieur X s'étalait grassement sur son canapé et observait de ses yeux globulés sa télé, tel un ruminant observant le train roulant. Même le comptage des morts par le virus, heure et par jour, ne le distrayait plus. Il ne faisait plus de paris en ligne sur le nombre de cadavres dénombrés par jour, par semaine, et le gros lot sur un mois, proposé par la faucheuse des jeux, récemment privatisée. Pourtant, une fois il avait failli gagner à 5 macabées près. Le gagnant présenté au journal télévisé était rayonnant d'avoir tout deviné. 487 décès dans la journée et le numéro complémentaire, 5490 contaminés supplémentaires. Le gros lot assuré. Mais qu'importait pour notre bourgeois désœuvré? La musique militaire qui annonçait maintenant l'apparition du chef des armées et notre président lors de ses allocutions télévisées retentit dans son salon. L'homme, dans sa tenue militaire, cintrée et dessinée par un grand couturier, avait fière allure. Son crâne chauve était garni du fameux béret parisien en feutre noir et il tenait à la main la prestigieuse baguette française, message subliminal en direction des boulangeries désertées. On devinait à son air sévère que l'heure était grave. Il allait, muni de son sceptre de farine, annoncer le renforcement des pleins pouvoirs à les présidents de la République, c'est-à-dire à lui-même. À situation d'exception, mesure d'exception. Il n'était pas peu fier de sa formule trouvée sans l'aide de personne et la répéta 3 fois. Il rappela dans un premier temps la gravité de la crise sanitaire avant de rappeler le nombre important de décès du jour. Puis il s'arrêta en s'apercevant tardivement que la faucheuse des jeux avait déjà annoncé les résultats juste avant et qu'on risquait de le prendre pour le nouvel animateur de l'émission. Il fallait récupérer le coup, prendre un air martial, ce qu'il savait très bien faire malgré son visage poupon. Et là, ça n'allait pas rigoler. Il fallait encourager les forces vives de la nation. On entend par forces vives les patrons. Et vu la faiblesse actuelle des dividendes, la spéculation agroalimentaire et immobilière à Thônes, les retraites chapeaux en berne, on risquait de manquer de ruissellement. La théorie du riche qui ruisselle partout là où il y a du pauvre. Pour que ça ruisselle à nouveau, il a été décidé lors du dernier conseil d'administration des ministres les mesures suivantes. Les congés payés ne le seront plus, ce qui de toute façon et compte tenu des restrictions de déplacement ne devrait pas poser de problème outre mesure. Les heures supplémentaires seront à nouveau défiscalisées et payées au prix normal, ce qui de toute façon et compte tenu que les salariés n'auront pas le choix, ne devrait pas poser de problème outre mesure. Les enfants seront à nouveau autorisés à travailler, ce qui de toute façon et compte tenu que les écoles sont fermées, devrait bien les occuper. Suit tout un tas de mesures techniques concernant la réglementation au travail assouplie, le droit de grève et les syndicats mieux encadrés et mieux accompagnés par les compagnies républicaines de sécurité. Notre bourgeois ne s'y entend pas trop dans ce charabia technocratique, mais son attention redouble quand le grand chef à la baguette parle des nouvelles règles de confinement. Le dispositif voisin très très vigilant qui a fait ses preuves dans des zones test sera étendu à tout le territoire. Ainsi, chacun pourra dénoncer son voisin si celui-ci sort de chez lui plus que nécessaire dans la journée ou revient sans les courses prétextées pour la sortie. Concernant le télétravail, plus difficilement repérable d'un appartement ou d'une maison à l'autre, chaque famille pourra dénoncer le parent qui n'aurait pas effectué les heures pour lesquelles il était payé. Pour tenir compte des familles monoparentales, les enfants à partir de 12 ans seront autorisés à faire partie du dispositif. L'anonymat sera bien entendu la règle, afin de préserver une bonne ambiance dans les quartiers et les foyers. En accompagnement du dispositif, le standard enfants et femmes battues sera renforcé pour les cas où celui-ci n'aurait pas fonctionné. Que de bonnes décisions, se dit M. Lys.